un petit son psychédélique pour tous vous donner la trique. À tous les mecs qui ont la patate. Ok. Pleure pas mon bébé. Je savonne et pourtant je t'observe. Je gueule et je me réserve. Qui je suis, un petit enfoiré qui vient pour te la caler. Je vois des rayons de soleil qui éclairent mes globes oculaires. Je vois moi-même, c'est-à-dire Silver, qui arrive par derrière. L'été devient l'hiver. On est tous entêtés jusqu'à ta mère. On l'a calé sur ta grand-mère. Je viens te braquer parce que je ne sais plus où je suis. Les rayons m'entourent et me suivent. Seul dans une free party, je suis perdu. Sous extasie, je l'ai dans le cul. Oh, mes pensées se transforment, se dispatchent. Il me faut un nouveau patch pour arrêter de fumer. Mes lyrics sont dadaïstes et n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Je vais me faire enculer par l'un des vôtres. Mais qui suis-je? Un homme perdu. Mais qui suis-je? Oh, un trou du cul. C'est du son pour ceux qui aiment la lumière. C'est du son pour ceux qui aiment l'obscurité. C'est du son pour tous les gens comme Silver qui auront fini leur vie de drogués, qui aiment les overdoses. Non, les hallucinations ne viennent pas de la drogue. Les hallucinations ne viennent pas de la drogue. Et le LSD n'en est pas une. Vive la mescaline, elle fait la une. On l'a tous une fine. Oh non, c'est leur front. Et j'ai plus de mots pour continuer avec mon ego. Souffre. C'est pas fini. On t'a pas encore carré notre pétanque. À tous les mecs qui ont la patate. Je me pose avec une clope. Silver n'est plus là, c'est plus tard qu'il parle. Tu peux partir, ah, c'est bon, nous on s'en bat. Les couillons ne traînent plus dans les balles. On est en rave party. On est tous des putains de hippies. On est tous heureux et on fait l'amour dans des champs de bœufs. Regarde les cahiers, regarde la rature. On va se caler derrière les ordures. Les profs t'ont humilié. Alors tu prends de la drogue pour t'évader. Sois perdu et oublie ta vie. Ah. Oh non, au secours, j'ai perdu mes rimes. Je recommence, regarde tes cahiers, regarde tes ordures. Oh, on est tous des durs, les profs ne savent pas. Qui tu es et ta vie t'a enculé. Il ne parle pas trop. L'entouloir, elle est comme ça. Et te plonge dans le noir avec elle pour lui faire l'amour. La vie, ce n'est qu'un contour. Et l'intérieur, il n'existe pas. Il n'y a pas du fond que la forme dans mes bras. Qui suis-je? Un homme qui sert de pétasse. J'en ai marre de servir cet état de glace. On est tous en sale état. Et pourtant, on aime avoir la classe. Et en classe, on s'ennuie. Alors on fait de la musique pour s'évader. Parce que notre vie nous a trop emmerdés. Non, mais qui suis-je? Non, mais où suis-je? Je ne suis personne. Je ne suis pas les gens. Je suis une petite. Même l'obscurité lumineuse, quand les rayons de lumière et le diaphragme se trouvent dans notre vortex visuel. Et je hais la science. La littérature est une vraie séance.